Dossier 5, livre page 49. Dialogue 1. Salut Anne. Salut Marie. On va à la patinoire ? Oui, je veux bien. Dialogue 2. Salut Luc. Salut Henri. Je te propose de venir avec moi à la salle de sport. Désolé, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Dialogue 3. Salut Sylvie. Salut Marc. J'ai envie d'aller à la piscine. Tu viens avec moi ? Oui, je veux bien. Dialogue 4. Salut Omar. Salut Dani. Je vais à la salle de gymnase. Notre amie Samer a une compétition à 4 heures. Ça te dit de venir avec moi ? Oui, je suis d'accord. À tout à l'heure.